The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Good. Bon. Year. L'année. Health. La santé. Wish. Le vœu. Champagne. Le champagne. Everyone. Now, a bit faster. Good. Bon. Everyone. Champagne. Le champagne. Good. Bon. Year. L'année. Champagne. Le champagne. Wish. Le vœu. Year. L'année. Champagne. Le champagne. Good. Bon. Year. L'année. Everyone. Health. La santé. Now, use the words in context. Bon. It's good. C'est bon. L'année. I'm going to Paris next year. L'année prochaine, je vais à Paris. La santé. It is dangerous for health. C'est dangereux pour la santé. Le vœu. What is your wish? Quel est ton vœu? Everybody's here. Tout le monde est là. Bon. It's good. C'est bon. L'année. I'm going to Paris next year. L'année prochaine, je vais à Paris. La santé. It is dangerous for health. C'est dangereux pour la santé. Everybody's here. Tout le monde est là.